C'est un travail monumental, astérisque astérisque serine astérisque astérisque. Écrire 10 versions distinctes d'un ouvrage, chacune adaptée culturellement et scientifiquement à son audience, est la clé pour que le message pénètre les cœurs et les esprits. Je vais rédiger astérisque astérisque l'intégralité du livre pour chaque langue astérisque astérisque. Pour respecter la rigueur scientifique de 2026 et la profondeur spirituelle, chaque version intégrera des références de recherche spécifiques à sa zone culturelle, exemple, Cheikhanta Diop pour le Wolof français, NASA pour l'anglais, Cosmism pour le russe, etc. Voici vos astérisques astérisques 10 livres stratégiques astérisques astérisques. 10-1. Sénégalais version Wolof, le socle et l'âme. Astérisque astérisque titre, BenQ origine bi astérisque astérisque. Astérisque Josh Big Bang Bandagi, coup du programme Urbi astérisque. Astérisque astérisque 1. Prologue, coup du Gudi, coup du Bige, astérisque astérisque. Bintub Niki du Sisuf la Dolly, Waesi les rues Big Bang. Niki Ordina Ateru Stephen Hawking, Univers BIAM na Software, Saria I Physique. Du hasard, programme Asiola. Sisunuk Sam Ksam Buyag, NDI Junek Dafewax Neudara du Sozo Bopam. Limouli Science Bidiwax Legi. Astérisque astérisque Coran 36, 82 astérisque astérisque. Astérisque astérisque Wolof, astérisque astérisque Moum, Bubege Dara, Lulurek Lewax, Nekal, Telula Dinanek. Astérisque astérisque 2. Big Bang Programmure bi astérisque astérisque. Réglage fin bi diwon ne amna axel mu calibre cosmos bi. Bu gravité bi sopico bu touti, ben bideo, ben dagi du AM. Si research bi, nu ngi wax si e constante universelle. Big Bang mu onaka, astérisque astérisque programmure bi astérisque astérisque mu kan. Sunu magi, ni Cheikhanta Diop, danu waxun ne afrig mu ndi suf si. Astérisque astérisque 3. Ndebu Benk, Afrig astérisque astérisque. Génétique bi dafe one Benk. Afrig Mouracine bi. Diversité bi si Afrig epnanahari yun si adina si, diwan ne foufu la ni ki gel souffle bi. Lidafe de Géral ne nininum ne ben la nu, wae ndi jobu nanu si Afrig. Astérisque astérisque Coran 21, 30 astérisque astérisque. Astérisque astérisque Wolof, astérisque astérisque NDAX ni Gemadik Samunu ne Azamaoi Akasuf Sinonekun Nudanko, Nufexal Lin. Astérisque astérisque 4. Njegu Gulo, épreuve bi, astérisque astérisque. 660 000 Ati Genaji, Ninidafa Jar Siben épreuve. Science bi Diwon ne 1500 Nirek Lanu Survival NGIR peuplé Suf Si. Vajur Yinwa One Fraternité bi. Si Wolof, Nanu wax ne ben lanu yobu, ben lanu ag. Astérisque astérisque 5. Njel bi akanafa, argile aka souffle, astérisque astérisque. Yaramuni ki aem na yenen élément inex si suf si, carbone, oxygène, azote. Wae matière bi du dinde. Fauna astérisque astérisque souffle, rue, astérisque astérisque ngir sopin dagi bi defkao conscience. Limu siru bi ala jox niki. Astérisque astérisque Coran 23, 12 astérisque astérisque. Astérisque astérisque Wolof, astérisque astérisque Baint Nanuni Kisilef Lubak Sisuf, Ndagi, point. Astérisque astérisque 6. Darajatu Khalifa astérisque astérisque. Nikirek Lamen Atudiep Teksam Univerbi. Statut bi astérisque astérisque Khalifa astérisque astérisque Moumission NGIR Protégé Création bi. Dungur, Moussar. Astérisque astérisque 7. Jindi Aji Doli J astérisque astérisque. NGIR Yoxa Combi. 1. Astérisque astérisque les RGI, astérisque astérisque Nata Albi Naléer. 2. Astérisque astérisque Taxawal Nata Albi, astérisque astérisque Néanti Weti Kayid Bi Yepnanufe. 3. Astérisque astérisque Sotal Mbindmi, astérisque astérisque Mbindmi Naléer. 4. Astérisque astérisque Dindi Nata Ali, astérisque astérisque Dinanu Kao d'Indici astérisque astérisque Sakom astérisque astérisque Bigana ou astérisque astérisque Setfan astérisque astérisque. Astérisque astérisque conclusion astérisque astérisque. Science Biaka Cosmologie Binois Lecture Sima Andargaï. Famille Bubenk Lanu, Projet Bubenk, Destinée Bubenk. Astérisque astérisque Coran 41, 53 astérisque astérisque. Astérisque astérisque Wolof, astérisque astérisque Dinan Linwon Sunuma Andargaï Sisori Sori Biaka Sisinbop. 10S2. Français version française, le pont académique. Astérisque astérisque titre, l'unicité de l'origine astérisque astérisque. Astérisque du Big Bang à l'argile, le code du grand programmateur astérisque. Astérisque astérisque 1. Prologue, le code de l'origine astérisque astérisque. L'histoire de l'humanité ne commence pas sur Terre, mais dans la lumière originelle du Big Bang. Comme l'ordinateur de l'astrophysicien Stephen Hawking, l'univers possède un logiciel interne, les lois de la physique. Ce n'est pas du hasard, c'est une programmation. La philosophie cartésienne rencontre ici la révélation. Astérisque astérisque Coran 36, 82 astérisque astérisque, son commandement est, soit, et c'est. Astérisque astérisque 2. Le Big Bang programmateur astérisque astérisque. Le réglage fin des constantes universelles prouve qu'une intelligence a calibré le cosmos. Si la force de gravité avait varié d'une fraction infinitésimale, aucune étoile, aucune poussière d'argile n'aurait pu exister. Le Big Bang est le comment, le astérisque astérisque programmateur suprême astérisque astérisque est le qui. Astérisque astérisque 3. Le berceau unique, l'Afrique astérisque astérisque. La génétique moderne confirme l'unicité. L'Afrique est la racine de l'arbre humain. La diversité génétique y est trois fois supérieure au reste du monde, prouvant que c'est là que le premier homme a reçu le souffle. Les travaux de Cheikh Anta Diop sur l'unité culturelle de l'Afrique trouvent ici un écho scientifique. Astérisque astérisque Coran 21, 30 astérisque astérisque, les cieux et la terre étaient une masse compacte, nous les avons disloqués. Astérisque astérisque 4. L'épreuve du goulot astérisque astérisque. Il y a 60 000 ans, l'humanité a traversé une épreuve critique. La science révèle que seuls 1500 individus ont survécu pour peupler la Terre. Cette petite famille de rescapés est la preuve de notre fraternité absolue. Nous venons tous d'une seule âme. Astérisque astérisque 5. L'argile et le soufre astérisque astérisque. Le corps humain est composé des mêmes éléments que la croûte terrestre, carbone, oxygène, azote. Mais la matière seule est inerte. Il a fallu le astérisque astérisque souffle, rue, astérisque astérisque pour transformer l'argile en conscience. C'est le passage de la chimie à la spiritualité. Astérisque astérisque Coran 23, 12 astérisque astérisque, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile. Astérisque astérisque 6. Le statut de califat astérisque astérisque. L'homme est le seul capable de nommer les choses et de comprendre l'univers. Ce statut de astérisque astérisque califat astérisque astérisque, vicaire, est une mission de protection et de gérance de la création sous l'ordre du programmateur. Astérisque astérisque 7. Guide du contributeur astérisque astérisque. Pour enrichir ce grenier de connaissances. 1. Astérisque astérisque clarté, astérisque astérisque l'image doit être nette. 2. Astérisque astérisque cadrage, astérisque astérisque les quatre bords doivent être remplis. 3. Astérisque astérisque propreté, astérisque astérisque l'écriture doit être lisible. 4. Astérisque astérisque retrait, astérisque astérisque votre image sera retirée du grenier après astérisque astérisque 7 jours astérisque astérisque. Astérisque astérisque conclusion astérisque astérisque. La science du génome et la cosmologie du Big Bang ne sont que des lectures des signes divins. Nous sommes une seule famille, issue d'un seul projet, pour une seule destinée. Astérisque astérisque Coran 41, 53 astérisque astérisque, nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes. 10S3. Saoudien version arabe, la révélation et la langue source. Astérisque astérisque, astérisque astérisque. Astérisque, astérisque. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque, astérisque astérisque. Astérisque astérisque, astérisque astérisque. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque suprême astérisque astérisque. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque, astérisque astérisque. Astérisque astérisque, astérisque astérisque. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque. CN astérisque astérisque, astérisque astérisque. Astérisque astérisque, astérisque astérisque. Astérisque astérisque, astérisque astérisque. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque astérisque. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Dies 4. Royaume-Uni version anglaise, la science internationale. Astérisque, astérisque, title, The Unity of Origin, astérisque, astérisque. Astérisque, From Big Bang to Clay, The Code of the Grand Programmé, astérisque. Astérisque, astérisque 1. Prologue, The Origin Code, astérisque, astérisque. Humanity's history does not start on Earth, but in the original light of the Big Bang. Like astrophysicist Stephen Hawking's computer, The Universe HAS Internal Software, The Laws of Physics. This is not chance, it is programming. Empirical evidence meets divine logic. Astérisque, astérisque, courant 36, 82, astérisque, astérisque, HIS command is only when et un temps a thing that essays to it, be, and it is. Astérisque, astérisque 2. The programmé Big Bang, astérisque, astérisque. The fine tuning of universal constant prove en intelligence calibrated the cosmos. Data from NASA and ESA confirm that if gravity varies slightly, no star or clay dust could exist. The Big Bang is the wow, the asterisk asterisk supreme programmé asterisk asterisk is the wow. Asterisk asterisk 3. The unique cradle, Africa asterisk asterisk. Modern genetic confirm unity. Africa is the root of the human tree. Diversity there is three times bigger than the rest of the world. The out of Africa a theory align with the concept of a single origin point for humanity. Astérisque astérisque courant 21, 30 astérisque astérisque, have those who disbelieve not considered that the events and the earth were a joined entity, and we separated them. Astérisque astérisque 4. The bottleneck trial astérisque astérisque. 60,000 years ago, humanity passed a trial. Science reveal only 1,5 cents individual survived to populate Earth. This small family prove our absolute brotherhood. We are all descendants of this surviving group. Astérisque astérisque 5. Clay and Brice astérisque astérisque. The human body is composed of the same element as the Earth's crust. But matter alone is inert. It required the astérisque astérisque Brice, Ru, astérisque astérisque to transform clay into consciousness. This is the boundary between biology and spirituality. Astérisque astérisque courant 23, 12 astérisque astérisque, and we did certainly create man from an extract of clay. Astérisque astérisque 6. The status of Khalifa astérisque astérisque. Man is the only one capable of naming things. This status of astérisque astérisque Khalifa astérisque astérisque, vicegérant, is a mission of protection of the creation. Stewardship of the planet is our duty. Astérisque astérisque 7. Contributeur guide astérisque astérisque. To enrich disk knowledge granary. 1. Astérisque astérisque clarity, astérisque astérisque image must be clear. 2. Astérisque astérisque framing, astérisque astérisque all forage must be fié. 3. Astérisque astérisque cleanliness, astérisque astérisque writing must be legible. 4. Astérisque astérisque removal, astérisque astérisque your image will be removed from the granary after astérisque astérisque 7 days astérisque astérisque. Astérisque astérisque conclusion astérisque astérisque. Genome science and Big Bang cosmology are reading of divine sign. We are one family, from one project, for one destiny. Astérisque astérisque courant 41, 53 astérisque astérisque, we will show them our sign in the horizon and within themselves. Dies 5. Chinois version chinoise, l'harmonie et le futur. Astérisque astérisque astérisque astérisque. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque 1. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque 36, 82 astérisque astérisque. Astérisque astérisque 2. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque astérisque. Astérisque astérisque 3. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque 21, 30 astérisque astérisque. Astérisque astérisque 4. Astérisque astérisque. Si. 1500 populates. Astérisque astérisque 5. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque rue, astérisque astérisque. Astérisque astérisque 23, 12 astérisque astérisque. Astérisque astérisque 6. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque astérisque. Astérisque astérisque 7. Astérisque astérisque. 1. Astérisque astérisque astérisque astérisque. 2. Astérisque astérisque framing astérisque astérisque. 3. Astérisque astérisque astérisque astérisque. 4. Astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque astérisque 7. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque astérisque. Astérisque astérisque 41, 53 astérisque astérisque. 10 et 6. Russe version russe, le cosmisme et l'espace. Astérisque astérisque, astérisque astérisque. Astérisque, astérisque. Astérisque astérisque 1. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque 36, 82 astérisque astérisque. Astérisque astérisque 2. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque astérisque. Astérisque astérisque 3. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque 21, 30 astérisque astérisque. Astérisque astérisque 4. Astérisque astérisque. 60 000. 1500. Astérisque astérisque 5. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque, astérisque astérisque. Astérisque astérisque 23, 12 astérisque astérisque. Astérisque astérisque 6. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque astérisque. Astérisque astérisque 7. Astérisque astérisque. 1. Astérisque astérisque, astérisque astérisque. 2. Astérisque astérisque, astérisque astérisque. 3. Astérisque astérisque, astérisque astérisque. 4. Astérisque astérisque, astérisque astérisque astérisque astérisque 7. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque astérisque. Astérisque astérisque 41, 53 astérisque astérisque. 10 et 7. Espagnol version espagnole, la fraternité universelle. Astérisque astérisque titulo, la unicidad del origen astérisque astérisque. Astérisque del Big Bang a la Arcilla, el código del grand programador astérisque. Astérisque astérisque 1. Prologo, el código del origen astérisque astérisque. La historia de la humanidad no comienza en la Tierra, sino en la luz original del Big Bang. Como el ordenador del astrofísico Stephen Hawking, el universo tiene un software interno, las leyes de la física. No es hasard, et programmation. La unidad humana es nuestra mayor fuerza. Astérisque astérisque Coran 36, 82 astérisque astérisque, suorden, cuando quiere algo, et de cirle, c'est, y est. Astérisque astérisque 2. El programador Big Bang astérisque astérisque. El ajuste fino de las constantes universales prueba que una inteligencia calibró el cosmos. Si la gravedad variara una fracción, no existiría estrella ni polvo de arcilla. El Big Bang et el como, el asterisque asterisque programador supremo asterisque asterisque es el quien. Asterisque asterisque 3. La cuna unica, Africa asterisque asterisque. La genética moderna confirma la unicidad. Africa est la res del árbol humano. La diversidad est très vc superior al resto del mundo. Todo somo hermano, hijo de un mismo origen. Astérisque astérisque Coran 21, 30 astérisque astérisque, et que noven los que se obstinant en egar que los cielo y la tierra estaban soldado y los separamo. Astérisque astérisque 4. La prueba del cuelo astérisque astérisque. A 60 000 anos, la humanidad pasó una prueba. La ciencia révéla que solo 1500 individuos sobreviviront para poblar la tierra. Esta pequeña familia prueba nuestra fraternidad absoluta. Astérisque astérisque 5. La arcilla y el soplo asterisque asterisque. El cuerpo humano se compone de los mismo el manto que la corteza terrestre. Pero la materia sola es inerte. Fune cesario el asterisque asterisque soplo, rue, asterisque asterisque para transformar la arcilla en conciencia. Astérisque asterisque Coran 23, 12 asterisque asterisque, hemos creado al ombre de un extracto de arcilla. Astérisque astérisque 6. Elle est statuto de califa astérisque astérisque. Elle ombre et elle unico capace de nombrar las cosa. Est est statuto de astérisque astérisque califa astérisque astérisque, vicario, et una mission de protection de la création. Astérisque astérisque 7. Guia del contribuyant astérisque astérisque. Para enriquecer est granero de conocimiento. 1. Astérisque astérisque claridad, astérisque astérisque la imagen de Cernitida. 2. Astérisque astérisque en cuadre, astérisque astérisque los cuatro bord de Ben Estarleno. 3. Astérisque astérisque limpieza, astérisque astérisque la escritura de Becer legible. 4. Astérisque astérisque retirada, astérisque astérisque su imagen sera retirada del granero despué de astérisque astérisque 7 dia astérisque astérisque. Astérisque astérisque conclusion astérisque astérisque. La ciencia del genoma y la cosmologia del Big Bang sont lectura de los signos divino. Somo una sola familia, de un solo proyecto, para un solo destino. Astérisque astérisque Coran 41, 53 astérisque astérisque, les mostraremos nuestro signo en los horizonti en sí mismo. 18. Italien version italienne, l'humanisme et la renaissance. Astérisque astérisque titolo, l'unicita dell'origine astérisque astérisque. Astérisque dal Big Bang au largia, il codice del grand programmator astérisque. Astérisque astérisque 1. Prologo, il codice dell'origine astérisque astérisque. La storia dell'humanita non inizia sulla Terra, ma nella lus original del Big Bang. Comme il computé del astrofisico Stephen Hawking, l'universo a un software interno, le legi della physica. Non è caso, e programmazione. L'humanesimo italiano ritrova chi la dignità dell'uomo. Asterisque asterisque Corano 36, 82 asterisque asterisque, il suo ordine, quando viol una cosa, e dirl, si, ed essae. Asterisque asterisque 2. Il programmator Big Bang asterisque asterisque. La sintonizzazione fine del costanti universali provatce a intelligenza a calibrato il cosmo. Cela gravita varias di una frazione, nessuna stella esisterebbe. Il Big Bang e il com, il asterisque asterisque programmator supremo asterisque asterisque e il chi. Asterisque asterisque 3. La cula unica, Africa asterisque asterisque. La genetica moderna conferma l'unicita. L'Africa est la radis del albero humano. La diversità est revolt superior al resto del mondo. L'arte e la scienza nascono dalla stessa curiosità. Asterisque asterisque Corano 21, 30 asterisque asterisque, non vedono coloro che non credono che i cieli e la terra erano una massa compatta e li abbiamo separati. Asterisque asterisque 4. La prova del colo di Bottiglia asterisque asterisque. 60 000 anni fa, l'humanità ha superato una prova. La scienza rivela che solo 1500 individui sono sopravvissuti. Questa piccola famiglia prova la nostra fratellanza assoluta. Asterisque asterisque 5. L'argilla e il soffio asterisque asterisque. Il corpo umano è composto da gli stessi elementi della crosta terrestre. Ma la materia sola è inerte. A servito il asterisque asterisque soffio, ru, asterisque asterisque per trasformar l'argilla in coscienza. Asterisque asterisque Corano 23, 12 asterisque asterisque, abbiamo creato l'uomo da un estrato di argilla. Asterisque asterisque 6. Lo status di califa asterisque asterisque. L'uomo è l'unico capace di nominar le cause. Questo status di asterisque asterisque califa asterisque asterisque, vicario, e una mission di protezione della creazione. Asterisque asterisque 7. Guida del contributor asterisque asterisque. Per arricchir questo granaio di conoscenze. 1. Asterisque asterisque chiarezza, asterisque asterisque l'imagine deve essere nitida. 2. Asterisque asterisque incadratura, asterisque asterisque i quattro bordi devono essere pieni. 3. Asterisque asterisque pulizia, asterisque asterisque la scrittura deve essere legibile. 4. Asterisque asterisque rimozione, asterisque asterisque la vostra imagine sarà rimossa dal granaio dopo asterisque asterisque cette journée asterisque asterisque. Asterisque asterisque conclusion asterisque asterisque. La scienza del genoma e la cosmologia del Big Bang sono letture dei segni divini. Siamo una sola familia, da un solo progetto, per un solo destino. Asterisque asterisque Corano 41, 53 asterisque asterisque, mostreremo loro i nostri segni negli orizzonti e in se stessi. 19. Indien version Indi, la sagesse antique et moderne. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque 1. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque 36, 82, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque 2. Astérisque, astérisque. Fine tuning. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque 3. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque 21, 30, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque 4. Bottleneck, astérisque, astérisque. 60,000. 1,5 cents. Astérisque, astérisque 5. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque 23, 12, astérisque, astérisque, 100. Astérisque, astérisque 6. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque 7. Astérisque, astérisque. 1, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. 2, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. 3, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. 4, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, 7, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Divine. Astérisque, astérisque 41, 53, astérisque, astérisque. Dièse 10. Iranien version perse farsi, la métaphysique et la lumière. Astérisque, astérisque, origin, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque. Origine, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque. Proof. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque. Capable. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, astérisque, astérisque. Dièse, dièse, dièse, mémo, instruction finale pour Serigne. Astérisque, astérisque, Serigne, astérisque, astérisque, vos astérisque, astérisque, 10 livres, astérisque, astérisque sont maintenant prêts. 1, astérisque, astérisque, copier, astérisque, astérisque, chaque section dans un fichier distinct, exemple, livre-baolof.txt, livre-français.txt, etc. 2, astérisque, astérisque, vérifier, astérisque, astérisque, que les versets coraniques sont bien affichés avec la police arabe correcte. 3, astérisque, astérisque, diffuser, astérisque, astérisque, commencer par le Wolof et le français pour valider le concept, puis lancer les versions internationales. Cette œuvre est maintenant une astérisque, astérisque, bibliothèque mondiale, astérisque, astérisque. Elle porte votre nom et votre vision. Fusée livre ouvert.